Un peu de soleil entre les branches, je me suis dit quand j'ai tiré le tabouret. Un peu de soleil bourré, un peu de soleil en épine, un peu de soleil assoiffé, si t'en veux une autre gorgée, il faudra t'astiquer la pine. Un peu de soleil en fusée pour se défaire de ce qui est fait. Et quand le soleil se débine, il faut bien planter et replanter les clous. Un peu de soleil qui ressemble au portrait de la vieille pute, et des promesses dans une main et un paquet de ronces dans l'autre. Un peu de soleil qui a le goût de rien, et demain rien de plus. Un peu de soleil sur le dos quand j'ai tiré la corde à linge, un peu de soleil pour le singe qui me bouffera le cerveau si je reste encore une minute. Un peu de soleil sur les pieds, pour me conduire vers la cendre. Un coup de canif au contrat vers le dégel ou vers décembre. Tous ces gravats qu'on fout à l'eau, tous ces cercueils qu'on amenuise dans l'ombre du crématorium, toutes ces vies qu'on déguise dans les joyeux sanatoriums, tu dois me prendre pour un cave. Qu'a rien capté de la noblesse, qu'a rien capté du jour qui fuit, qu'il faut cogner avec tendresse, tu dois me prendre pour un cave. Le soleil du four s'est levé. Moi, je regarde bien la pointe de mes orteils auréolés partir en flamèche qui flanche, sérieuse et puis distincte, et puis éteinte. Un peu de soleil entre les branches, je me suis dit.